Mes cheveux, j'ai la main d'une brise. Compatissante, son souffle me devise. De la candeur d'une braise qu'elle attise. De la danse des cendres dont elle s'avise. Toute la nuit répandit la hantise. Dans les branchages chantant à son emprise. À mes cheveux j'ai la main d'une brise. Compatissante son souffle me devise. Mon regard, l'aube pense à lever, les flammes du jour caressent enfin mes traits. J'ai le soleil qui peine à s'éveiller, derrière la brume que la nuit a forgée. Les ombres cèdent sans même résister, au clair regard d'une fraîche matinée. Regard, l'aube pince à lever, les flammes du jour caressent enfin mes traits. À la main, j'ai l'or de la rosée, les perles de l'homme telles des larmes échouées. Autant de souhaits qui se sont égarés, la nuit clémente les aura déposés. La source encore charitant du passé, tant de souvenirs qui vont à se faner. À la main, j'ai l'or de la rosée, les perles de l'homme telles les larmes échouées.